à partir de maintenant écoute 9-3 partie 2. Faut que tu piches que tu dois quitter ton aparti 2. Y'a que des dieux méprisés qui peuvent te mépriser. Pour tomber et pour se combler, on veut maîtriser. Nos méthodes t'étonnent et ça t'horrifie. Parce que dans le 9-3, tout le monde se glorifie. Tu vois dans nos destros, mecs sont des escrocs. Ici y'a que des pros, donc protège tes fesses gros. Avec ténacité, on cède aux tentations. Les mecs de la cité sont nos fréquentations. Le 9-3 je représente parfaitement. Crois pas que je parle bêtement, car nettement, on se fait des barres nettement. J'ai grandi dans le 9-3 badaud, un vrai troubadour. Sur le pitch rap court, et je compte à rebours. En 7-7, quand j'ai débarqué à Stein, fallait un instinct de survie pour échapper à son putain de destin. Dans les caves, les plus jeunes sniffaient des tubes de Cold Rustine. Ça faisait rustique, même si c'était tout petit Austin. Montfermeil, une terre de misérables hostiles. Les bosquets, persona non grata, indésirable. Zut, c'est la même dans toutes les supes. Des bedottes aux 3000, c'est les mêmes disputes. Les mêmes cris, les mêmes larmes, une alarme dans chaque rame. Calme, vacarme et partout le même drame. Mais qu'est-ce tu crois dans le 9-3? Si tu marches pas droit, on te fout droit. On sait qui sont les proies dans le 9-3. Barça, Renoir, lève le doigt. Mais qu'est-ce tu crois dans le 9-3? Si tu marches pas droit, on te fout droit. On sait qui sont les proies dans le 9-3. Barça, Renoir, lève le doigt. La vie nous rudoie, la mort nous tutoie. Ici c'est le 9-3 et chaque jour tu dois assurer pour ta fin de mois, chacun pour soi. Cherche pas pourquoi, si tu le sais pas tais-toi. Tiens le toit pour dire bondi dans le 9-3. Les keufs font tous les droits, il y fait froid. Les mères sont en émoi, on ne respecte plus la loi. De toute façon, y'a plus de joie, on a plus fond en rien. Y'a plus de choix, y'a que des taffes de bon à rien. Les prisons sont pleines, les frères tirent leur peine. On sort avec la haine et reproduisent les mêmes scènes. On vit dans la gêne, mais on gêne pas pour ce qu'elle. Ici la monnaie est reine, ici c'est les mauvais qui règnent. J'ai le métal et les balles pour foutre ce bordel ou scandale. FAT, CAP, Glock au point, t'as capté ma stratégie. J'ai la vision d'un gars qui se tape et deal. Chacun start et dit, avant de vivre faut survivre. Alors évite les coups de batte et file. Business abondant, sous veille sur, je crèche abondi. J'ai tellement de putes, c'est vendant. Ma vie est illégale, c'est tentant. Ma clique est fatale, ça s'entend. Shit dans le ghetto, les flics Erto et Certo. Appelle-moi que faire, élément dissipé. J'suis batte à partout, Zé, faut anticiper. Un jour tu gagnes, un jour tu perds tout. Fais gaffe, faut pas le perdu, ouais. Tu sais, ça tue comme partout. Mais qu'est-ce tu crois dans le 9-3? Si tu marches pas droit, on te fout droit. On sait qui sont les proies dans le 9-3. Comme ça, Renoir, lève le doigt. Mais qu'est-ce tu crois dans le 9-3? Si tu marches pas droit, on te fout droit. On sait qui sont les proies dans le 9-3. Comme ça, Renoir, lève le doigt. Hey, tiens, lève ton doigt, si comme nous tu viens du 9-3. Où les kiss défument notre shit et se mettent à 50 pour nous pister. Bagarre, carotte, cash, pitbull. Tous les jours c'est pression, file si t'as des trop petites boules. On a le camp et la balle dedans. Rabza et Carlouche, si tu nous touches dans ta bouche, il te reste track dedans. Je représente le 9-3-800 en force, car je te dis en face. C'est la merde dans chaque port, dans chaque clan, dans chaque classe. Numéro 1 au top de la tape et des fuck up. Tu comprends pourquoi dans la tête c'est toujours block up. L'ambiance et les mentalités sont à égalité. Tu veux venir y habiter, faut remplir les formalités. Hey, ferme ta gueule, ça vient du 9-3. Ça piquera, va tout va, shit et cocaïne. Faut bien gagner son pain, ou c'est la chute caïd. Donc on jette des parpaings, la vie c'est comme une tasse. Elle est jamais fidèle, la rue c'est comme le DAS. Lié jusqu'à la mort, les lois sont trop strictes. Y'a que des combats, c'est comme dans Fighter Street. Viens faire un tour en bas, les corps sont calcinés. C'est les lois de la rue, et c'est pas le ciné. Tu veux savoir d'où je viens, où y'a que des chocs sanglants. Où les amis sont rares, comme un pénis sanglant. J'ai trop la rage, mon frère, crois pas que je fais semblant. Mais qu'est-ce tu crois dans le 9-3? Si tu marches pas droit, on te fout droit. On sait qui sont les proies dans le 9-3.